بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد جنو بنو سنت يالله جولي سنتي صلى الله عليه وآله وسلم ñi ngi leen di nuyu di leen ziyara di leen baalu haq ñaan yalla borom bi subhanahu wa ta'ala bo leen jéggal kon fiñu yamon ci hadith moy ñaar fukel ak ñet ak ñaar fukel ñent ko gisoon nañ ci ay message yu xawata ko après xamna ñu numéro mo ci ngeen ki masala yi numéro ki ba numéro te nombre de masala yi masala 1 nangam 2 nangam 3 nangam wala inshallah légi kon da ngay lire suñu hadith inshallah bu ko defé ñu ñu tambali fiñ ci tollal inshallah a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam an anas ibn malik radiyallahu anhu annahu khala lama kana yawm al khaybar amara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam أبا طلحة فنادى أن الله ورسوله ينهيانكم عن اللحوم حمور الأهلية فإنها رجس متفق عليه وعن عمر بن خارجة رضي الله تعالى أنه خال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا وهو على راحلته ولهابها يسل على كتفي أخرجه أحمد والترمذي وصححه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حديث يلا كان بنجيك بما موي حديثو سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه في تسمى حديث سيدنا عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه hadith sayyidna anas bi radiyallahu ta'ala anhu mom la ndike indi munaw anhu mana anal an sayyidna anas radiyallahu ta'ala annahu qala lamma kana yawm khaybar amara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aba talha fanada anna allah wa rasulahu yanhiyanukum an luhum al humur al ahliya fa innaha rijsun muttafaqun alayhi bi ci dess mom moy wa an amr ibn kharijah radiyallahu ta'ala anhu annahu qala lamma kana yawm khaybar khatabana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi mina wa huwa ala rahilatihi wa lu'abaha yasulu ala katfayya akhrajahu ahmad wa tirmidhi wa sahaha munawan an amr ibn kharijah an awanhu manam djel nanc mom moy sayyidna anas radiyallahu ta'ala anhu annahu qala nena lamma ba nga xamantene kana xewona amona yawmu khaybar khari khaybar xew khaybar amara digelena rasulullah nawaliyallahi sallallahu alayhi wa sallam aba talha sayna aba talha rabbi allah fanada mudadi wote ne annallaha naka bur yalla wa rasuluhu ak yenen tambi sallallahu alayhi wa sallam yalha yanikum ñom ñong len bi tere an luhumi ci ndawlu ci yap al humur mbam al ahliyati yey ko du keur muttafaqun alayhi depo nañ ci jirne ko ci sen tere yi te mom moy ñan ñaar wa kay ñaar imam moy imam bukhari imam muslim rahmatullahi alayhi wa an amna benen hadith bo xamna na ibn kharijata radiyallahu ta'ala anhu anna wa qala nena dafa wax ne khatabana khutbal nañu rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam biminan taminan makka ta ajga wo wo fek mom yenenti sallallahu alaihi wasallam ala rahilatihi mingi ci kaw war wayam ci kaw gellem gi walu abuha fek tufliti yasilu ma ngay wal ala kat fay ci sama mbagge akhrajahu solo na hadith bi ahmad imam ahmad ibn hanbal rahimahullah wa at-tirmidhi ak imam at-tirmidhi imam abu abu isa rahmatullah alayhi wa sahhahu te wiral nako manam moy neena hadithul hasan sahih wala legi kon fi lañu gissone ba ci manam yeksi won nañ ci masala yi nga xamne ñom ñoy masala fa fi ba fori won nañ ci nak danaka ñi ngi waade yegg ci ndombartalu masala yi han fi nga xamantene danaka fa lay jii wala moy ci jeexital gi danaka te mom moy yi nga xamantene moy masala yi ñu jange yi nga xamantene ñom ay masala fiqh lañ yo xamne dafa juddo ci xew xew xayba amna nak yuñ ci joto na lim moy comme yan ban lañ ci joto yan lañ ci joto na lim sama ban lañ jikko na lim wala yaqtu mbam seuf seuf waaw goore way haram ji mo haram ci xare xeybar la amé ay wa lol moy benn bi ñaaral bi lan la wala sama al hawamil moy hurmatu wat'i sabaya al hawamil ha manam moy haram bi nga xamantene mom la haram lan ni manam ku am jam bo xamantene dañ ko jappé ci xaré manam ñu japp mu nek jam fekk mu ëmb nit ki joxe ak mom lol moy benn bi ñaaral bi mom moy kan ñettal bi kon istibra as-sabaya manam moy jam bu jigen bi nga xamne mom lañ japp ba def ko jam su fekkon tane dafa am borom keur mu baña manam bu wala wa manam ñu nek ba mu ñu def li ñu tudde istibra waxon nañ lañ istibra gogou manam moy le fait rek nga xaar ba benn jigen di gis ñaata ñaata ya benn yo xana wu fi benn yo ya yi ko ndi wax ñett yoon idda la wala moy ki wacc soxna mom moy xaar jigen di gis ñett yoon mbeureuk ba mu set ci la passé gi di ki bi effectivement voilà sinon su dul lol rek amna chance rattraper wo voilà amna nu chance rattraper wo ma ngam ñaan ñu voilà kon voilà mais bu xete ba recc mom ñatt yoy mom bu recc rek mom faaw bu ñu bëgge ñu maye wat neen faw manam buñ bëggé séx faw dañ lénd maye wat voilà ce qui veut dire que protocole bi ci andone ak yépp da ci andat voilà sinon heureusement que fofu parents yi fofu lañu gëna woyé xalé bi ni sax heureusement dootu ñu laaje ci ay dootu million rek yoy mom bobu day tut quoi ak joxaru ñu ñeen tek tan rek etta ah legi kon lolu moy wa mais lolu moy taw wala kon jigen ji gis mbeur mais su fekente ne ski la comme kuñu comme ni cadre figure bi ñu wax ni nga xamne jam la istibra rek lay laaj manam moy benn yoon rek lañu laaj dañuy xol mu gis mbeureugum ben yon bu sété acca baxna waxon nañ ni ka bob mom moy ka waxu lo tamit waxu ñu ko xolo wa kay digeen gisu mi ko waxu ñu ko aha ha ñu ngi la D'accord. Deng. Légi kon lool mom moy kon ñaarelu wala ñettelu masala biñu gissul benen bi Haram jour khaybar la comme niñ ko gisé won ci hadith bobu nek ci muwatta' bu imam Malik mu jëlé ci Ibn Shihab bu jëlé ko ci Abdullah al-Husayn bi nga xamantene ñom ñaar ay doomu kan lañ Muhammad di doomu moy Muhammad ibn al-Hanafiya di doomu Sayyidina Ali karamallahu wajhu bi nga xamantene mom neena yenenbi sallallahu alayhi wasallam yawmu khaybar ci la haramal muta'atul nisa manam zawajul muta'a ak lan yaqum bam suf wala kon hadith bobu nek ci muwatta comme ci channel gogu ci la ko imam ñaar imam yi imam bukhari imam muslim rahmatullah alayhi dele ci sen yoni wala ayo ak lan lolu benen comme niñu gissone jotta bi yoss ak ban mo nekkon riba wala riba riba fadli ak riba nasiha yep jour bobu la yenenbi sallalahu alayhi wasallam ci la téré mbir mom wala jour khaybar wala riba fadri ndax manam moy nem bir ni nga xamantene dang koy jaay mais fou condition ko mu dugg ci han ci lan al asnaf ar ribawiya manam mu dugg ci critère manam mbir yi nga xamantene riba man na ci possible parce que du mbir yep le riba possible mais mbir yi nga xamantene riba dafa ci possible lo ci jaay ak diko jënd té mu nek genre manam muqayada bobu nga xamantene transaction bobu nga xamantene mislan bi misl la moy ta hein moy ni mëna nak ak ni mëna pesé voilà ñukoy denc té té bi ya voilà mais lolu comme niñ ko waxé won borom xam yi dañ ci wuté rahmatullah comme maliki rahmatullah ñom liñ ci bayyi xel rek moy mu nek luñuy dundé ba paré muy mëna nek luñuy dénk par exemple mais bo xolé yenen mazah bi comme shafi'i ñom bi nga xam tane mom liñ ci xol ak hanabilay day rahmatullah moy ni nga xam tane mom moy luñuy pc wala luñuy nat mais so xolé yoy yeb dañuy dugënté mais il faut mu nek luñuy mëna nat mën ko pc au minimum lolu ñukoy mëna nat wala ñukoy pécé parce que amna yo xamantene dañ koy nat am yo xamantene dañ koy pécé am yo xamantene dañ koy mais yi nga xamantene comme ay xaal ak yoy nga xamne yoy mom c'est sûr que bokku ci am nga xaal par pièce dañ koy jaay wala yoy ñom dugguñu ci même ay ñom pom ga yoy yep dugguñu ci tout dépend ci taay bi su fekente ne comme par exemple yi nga xam tane en tout cas buñ koy nat ak diko pécé li ñuy bayyi xel moy comme lu mudd wala ça voilà lepp lo xam tane dañ koy mëna nat diko pécé yoy maam voilà yoy duñ ci dugg légui kon ak la benen riba bi moy riba nasiha mais riba riba fadli moy lan lan moy riba fadli wala manam moy gënalante gi moy wala moy gënalante gi moy échange bi nga xamantene dañuy xol gënalante comme kilo tie ma jaay la kilo tie bu siam wala bok wala wala bok ben pot tie bu siam ma jaay la ko ak ñaari yu Indonésie wala yu recycle lolu par exemple dañ koy téré manam parce que lan mo wara nek yadam bi yad misal bi misal manam loxo ak loxo la wara nekke deke dafa wara nek lan dañu wara tolo dañu wara tolo hein proportionnel voilà proportionnel te dafa wara tolo ba pare tamit muno jaay dara ci lo xamantene comme dañ ko togg par exemple munuma jël kilo tie jaay jënde ko kilo tie buñu togg wala liberu tie buñu togg manamo aywa ak lan riba nasiha moy lan moy riba bo xamantene temps bi moy ci jouer dama la lebal dama la lebal 1000 francs ha lan nga may jaay nga may delo delo ma 1500 parce que dama lako lebal ba bi ba 1 an wala ba 1 mois lol moy riba lan nasiha wala riba nasiha gogou wala day dugg ci tamit lepp lo xamantene bo ben forme la ci amna benen bi mom moy ñuy jënd or bi mais yu joxante wuñ ko legui ni buñ ko joxe yanan bi yedd la wara do par exemple wala wéccante comme ñu ko gissé wécc xaalisu ma jox la 500 francs nga dima wécc jox ma 400 ne ma demal bobu benen yoon ma jox la 100 yi bobu riba nasi ala dafa am ben mbir mu mata baye xel fofu gis nga leg leg ba motax yalla nañu yalla sam nasallahu salamatu wa afia ala fa wal muafata da'ima fi dinu dunya wal akhirah leg leg nga gis ci ño xamne dañ japp ne lolu grawul manam grawna budé man ak yow lolu grawna mais budé man ak banque bi grawatul manam c'est comme si manam xel mi ni xalaté dañ ko do wéki manam lolu xam nga manam c'est impressionnant leg leg dina japp ne man na né su fekente né man manam boudé man ak yow mom comprendre na ni lolou mom riba la baxul waye bo ci dougalé banque bi mo né non mais c'est que banque ak nit ak nit du bokul mais lan mo len woutil loolu né banque bi lolou lan la personne morale la manam mom comme nit lañ koy considérer yalla nañu yalla sam té yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ci hadith ubadah ibn samit radiyallahu anhu né moy hadith bobu ciosan bi mi ngi ci ñaar sahihi d'ailleurs ci hadithu sayyidina umar radiyallahu anhu mais hadith bi complètement di limu gëna guddé mi ngi ñew ci sunan imam abu dawud rahimahullah yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ci jeexitalu hadith bu mëna faman a ar mune faman zada aw istazada faqad arbal akhidh wal mu'ti fihi sawa kep ko xamantene yok lu nga wala ñu yokal la manam dedet yok nga wala ñu yokul la wala man zada ku yok wa man aw istazada wala nga laaj ñu yokal ñu yok kon kenn ci ñom ñaar ñi mu ne ki nga xamne mo joxe ak ki jël ñom ñaar ñepp def nañu riba te ñoo yam ci bakkar comme te amna benen hadith bu nek ci ñaari sahihi mu ngi ci muwatta bu imam malik tam rahmatullah bu ibnu umar radiyallahu anhu bimi wax ci lolou bop yag ba ci mais ci bayul kharar la doon wax han bi ci bayul kharar moy njaay mo xamantene dafa kharar moy dafa incertain dafa am incertitude ci produit bi wala ci ndeg gi yenenbi sallalahu alayhi wasallam bi sayyidina noma radhiyallahu anhu netele lolou ni mu grawé ba paré dafa tek daf cey tek ne naha amel baaya wal mushtari yeen tib salassam dako tere han ki jaay ak ki koy jënd ñoom ñaan ñep lako ter ñoom ñaan ñep la ter al baaya wal mushtari waaw donc lolu matna baye xel matna baye xel té li nga xamné mom la nitu yalla yépp d'accord sans exception comme niko cheikh tidiane radhiyallahu anhu waxé loolul bénn du ñaar ci lettrami moy al qutbur raha qutbur xama qutbu moy la qutbu moy pôle axe central bi nga xamanteni jaamu yalla yépp ci loolu lay tourner wo tout tourne autour de loolu moy di dundé lu lew moy alqur'an raha nan lañ ñu mëna taxaw bëgg la gëm lo né la alqur'an ak ni mu haramal riba ak ni mu grawé ak ni mu tekkoo képp ku koy def ba mu wax né ku koy def nit yalla né tekkuna ko guer yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam rubb képp ku jaxaso ak riba ak képp ku ci tak ak lo ci mëna takké mbolam borom xam xam yi wax ko mbolam wallu yi depp ci né surtout cheikh tidiane radhiyallahu anhu ci lettre ni lolou ko gis rasayil yi dina ko gis ci jawahirul maani ak yeneeni teer yi nga xamne rasayil dañ ci ñew ñom jaar ni abou ibn mushri les rahiful maqtum wu sayyid salah din radiyallahu anhu et cetera bo len xolé yu yitt da ngay gis cheikh tidiane radiyallahu anhu bokku na ci yimi gëna insister moy né mu lolu moy al qubur raha moy ponk moy pilier bi nga xamantene moy centre axe central bi nga xamantene mbolam jaamu yalla yi ci lañuy tourner moy lan mom moy bo ñëwé da ngay tok ci place ya mom mo ni ma jax non mais non ma law wala d'accord mais so ñëwé da ngay tok ci place ya ayo en fait jotaay yi dafa am ay règles wa mais fofu la bu won taw wa non non mais waxuma pour yow kesse mais pour ñëpp la dafa am ay règles su ku tardé bu ñëwé bu me perturber wala na nu bu mu nuyo sax parce que lool dafa bok ci perturber tam moy nuyo bobu wala et cetera ñu nuyo na ngay tok et cetera gëna na gëna alors kon ñu continuer ci liñ doon wax manam ponk bi nga xamantene mom moy axe central bi nga xamanteni tout tourne autour de lolu moy lan moy di dundé lu lew du dundé lu lew moy quelque chose de licite il faut vivre de quelque chose de licite voilà parce que su baxé lepp bax lepp mën na fa jaré bax lo tax yenenbi sallalahu alayhi wasallam waxon ni kok di ñaan and ak condition yi nga xamanteni mom la nekkon hein ci all bi après mu ne mais yentou bi sallalahu alayhi wasallam wax condition yu difficile yeup ak yi nga xamne ñoo dajé yeup pour nangul pour yalla nangu ñanam mu way mu tek ci ni xol mu ne way wa mash wa makalahu haram wa malbasahu wa mashrabahu haram wa malbasahu haram fa anna yustajabu li zalika ak inna allah amara mu'minina bima amara bihi al mursalina yalla dafa diglé manam ki bu ñëk bi hadith bu ñëk bi dafa né koku nonu fekk limi lek dafa haram limi nan dafa haram limi sol dafa haram koku nan la bëggé mu taxaw nan ya rabbi ya rabbi ya rabbi koku nan la bëggé ñu nangul ko naka nonu même cas de figure bi mom moy nekk ci kan mom la wax ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa ne yalla limu diggal jëmmi limu diggal yenenti loolu la diggal julit ni moy lek dum lek gëm len lek len lu dagal kulu min tayyibat ma razaqnakum wa'malu salihan te def len lu baax benen mo ne kulu min tayyibat ma razaqnakum washkuru lillah deng manam lolou dafa nek lo xamne point bu central la alors que riba kep ko xamantene motax ñun ñep la concerner nak war nañu jang war nañu xam lan mom moy atay riba ba pare ñu jokki manam buul fi nek nak nan way ki amul pexé nangam manam sirit bi nga xamantene veine bi wala neurone yi nga xamantene ñom ñoo nek ci sa bop bi ci yuur gi té réflexion yi aju ci né solution riba rek afi nek lool ngay dag rek manam fofu do ngoy koy dag ablation nga ci def dag ko après di nga trouver solution manam moy lan moy mel sa bop ne ala kulli halin bi li mom riba mom du pexé nako tek mais legui nak après nak dina trouver solution voilà legui nak après ngam ni voilà legui nak trouver solution bu boba di nga trouver solution ben solution la gënul lan djuligni mbolo ci mbol gox bu ne djuligni mana bolo tek lo xamantene dinañu genn ci riba bobu mais lolou man na ne lutax nga japp ni ñi buñ defé ñi man nañu dajalo def lo xamantene ay riba kessa la alors que ñun djuligni mënuñu ko manam lolou man la comprendre ana lan mo waral lol lan mo waral rek fim tool waxuma dara mais ñun ñi nek fi rek ñun ñi donc bis buñu dajalo won donc né juk ci problème riba fim tolu ñun ñi ñepp kenn dootul la lat riba ñun ñi rek la wax bolo ñu kessé la wax kenn dootul la lat riba kon loolu nañ ci bayyi xal inshallah ayo asna pour riba wu yey waxon na ko kérok dang ko faté atna ko ribo ye moy voilà point moy yi nga xamantene ñom ci la riba mëna nekké comme li yantou bi sallallahu alayhi wasallam az-zahabu biz-zahabi ha wal fiddatu bil-fiddati walan wat-tamru bit-tamri wash-sha'iru bis-sha'iri wal-burru bil-burri والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فاذا اختلف هذه الاصناف فبايعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى الاخذ والمعطي فيه سواء voilà حديث باغنا يانتي صلى الله عليه وسلم دافا موي حديث سيدنا ابو بكر بن سعيد بما لن دون وخان رضي الله تعالى عنه يانتي صلى الله عليه وسلم دافا ني ora dena wax ko yeralti bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax dane or ak or jappal or ak or lol ben la khalis ak khalis parce que dama gis kérok ñu mako laaj naan ma waxoko waxon na khalis ak khalis mo argent argent lol gis ni ñaar yoyu ci la borom xam xam yi qiyasé manam ci lañ gëndele natalé natale lepp lo xamantene dafa am valeur fiduciaire parce que or ak or waxuñu ko rek parce que ay métaux lañ mais parce que dañ leen di jaay c'est parce que dañu am valeur bi nga xamantene comme CFA comme dollar comme darasi comme dina comme bi ci dess nu tudu ugyo et cetera bam yenn et cetera hein or ak or khalis ak khalis légui ñu jël tandarma ak tandarma orge ak orge blé ak blé yoyu dañuy duggal yoyu buñu xolé ci lañu né yi lan lañu bok lan lañu bok dañu leen di dundé motax borom xam xam yu wuté ci naka lañ leen di xolé dañ nan soit dañ leen di dundé té man dañoo yag wala parce que dañ leen di dundé mais dañ leen di nat wala ñu leen di pécé aussi donc motax groupe bobu ci lool han legui benen bi ci dess moy lan sel voilà khorom ak khorom yoy buñ len dé jaay yoy bo xolé khorom moy ñom ñom ñom soukeur ñi saf safal gaay yi saf safal ak ñom pobar nak voilà deng voilà xam nga bari len kon deng kon ay wa ñooñu nonu kuy jaay ak yoyu di ko jënd nako def loxo ak loxo lool mom motax tay par exemple mën na jël ben mbassé comme ni sama yéré bi mi jëndé ko sa yenen ñaar yéré lolu du haram du nek du dug ci riba man na jende ñetti keur yu nek par exemple Dakarou ma jende ko benn keur bu nek Lyon lolu grawul man na et cetera toutes ces formula yoy grawul man na jende ñaari auto benn auto ñoo tamit haram voilà mais na nek loxo ak loxo jaay leen yenen yep num leen nexe mais na nek loxo ak loxo man na jende kon lan keur mën na jël xaliss doxé ko pour jënd keur yoy yep mën na nek dëgg kon mbiru le vibe légui lér la manam ci gattal lool la les pattes oui non attention tout dépend su féké té na patte yi moy parce que dafa genn xam nga or ki la num tuddu blé la voilà lool mom motax suñ ko défaré nonu suñ ko défaré nonu aussi il faut que ñu nat soit le par pc ko wala par volume bi comprendre voilà donc tout il faut toujours voir aussi l'origine même de qui de liñi voilà liñi jaay mais su nekké mais manam mislan bi mislan ay wa ak la mais riba dafa gudd dafa yaatu yaakaarna c'était en 2006 2006, hein. Voilà. 6 ou 7. Ah, 2006, 2007. Voilà, presque un an, nous avons dit, Riba, rek lañ doon waxtan daayira. Jour bu dé, su ñëwé ci Riba lañ wax. Voilà. Donc, yaakaarna lolu. Voilà. Voilà, lolu leeron na période bobu. Waaw, Seigne Fallou yaakaarna ñu koy fatali ko. Yaakaarna 2006 yoyu côté la. Voilà. Aha. Ayo, légui ak lan. Da amé yakarna fofu la ñëmon amna azaka itam ñu wax non non non mais yoy bokul won ci question yoy ci question le après dafa genn ci question voilà légui kon bokku na ci manam masala yi nga xamantene ñom ño xewon tamit ño ki won yow mu xebar mom moy luñu tuddé al musharaka ak muzaraa manam moy bokalé hein wala bok ñu né ñu wax muzaraa manam moy comme ni kuy bay manam buñu bayé parce que xam nga Khaybar dañ ko bañ ko jëlé dafa am parti ci Khaybar bo xamné tour souf ci dafa nangou souf ci dafa nangou nak ñu ci bay légui nak comme yowu di ñofu dekkul yeralti bi sallallahu alayhi wasallam jël leen né leen légui ni ñi def moy comme yeena gëna xam fi té yeena fi dekk yeena fi nak légui da ngeen di bay souf ci nak legui ñom ñoko mom nak waye nak legui da ngeen di bay buñu baye après ñu seddo xam nga lolu bu amé manam moy association ñu wax association moy musharaka han voilà moy né damay indi li nga indi li voilà manam comme fi ci cadre figure bi yeuhor bi mom mo indi main d'œuvre bi yentou bi sallallahu alayhi wasallam mo joxe soufsi julit ñi ñoo joxe soufsi legi suñu baye dañuy seddo mais lolu suy am musharaka bobu suy am buñuy seddo attention ci bénéfice bi lañuy seddo c'est à dire que manam ak perte bénéfice ndax al ghunmu bil ghurmi li yentou bi wax sallallahu alayhi wasallam wa al kharaju bid daman al kharaj bi dama al ghunm bi ghunm ko hadith sayyidat aisha bi radiyallahu anha bi nek sunan imam abu dawud rahmatullahi alayhi al ghunm bi ghunm moy lan moy benefice dafa wara juddo ci risque bi nit ki di jël su fekente ne perte da am mais motax d'ailleurs yenn jaay yi nga xamne mom lay banque yi di def manam banque lay ci la bëgg wax jaay bobu kharab parce que tay yow da ngay indi sa auto ne dag makoy jaay man manela ok min jënd mais moment biñu wara jënd biñu wara signé banque bi mom dafa manam banque bi c'est comme si mom moko jënd ci yow jaay mako mais amul benn moment bo xamantene banque bi mom na dara c'est à dire que tay auto bi buñu jékki jékkon mu lak benn moment soit yow yaay responsable wala man mais banque bi amul benn moment bu muy nekk responsable alors que non lolu motax yentou sallallahu alayhi wasallam waxon hakim ibn hizam radhiyallahu anhu neko la tab'i ma laysa indaka ko hadith bob tam ngi ci sahih bul jaay lo xamne neko momugo manam banque bi mu defo li dina dagal moy day jënde comme auto bi 10000 euros la ko señ bi jaay man makoy jënde 10000 euros kon banque bi ñew ne señ bi legui man jënde nako 10000 euros après mu ne ma mais yow comme yow yuro xaliss bi man dama la koy étaler mais dama la koy jaayé 12000 euros lol day dagat mais suko jëndé il faut d'abord mu jënd ko ba mom ko manam ñu def ko ci tourum mais problème bi moy yu banque yi di def moy ñom dañ dul bëgg affaire bi jaar ci sen tour manam ñom livraison livrer diw rek lañ wax manam fofu la haram gi di duggé parce que mom momul limi jaay parce que bala ngay jaay dara fo nga mom ko ba paré té liñu tuddé al qabd fo mu am ci njaay ak jënd mais lolu da fay relatif selon matériel bi ak selon voilà manam moy la saisie du matériel il faut mu am manam munuma jënd lo xamanteni saisie regumako maintenant selon lu nek saisie bi dafa am lu muy tekki comme tay par exemple boudé jënd auto saisie bi moy ñu jox la tiabi par exemple moy ñu jox la tiabi bindu bir bi ci tour lolu boba saisie bi amna bu boba nak après ban man na ko jaay ce qui veut dire que entre temps man buma bañé banque bi man manam munuma top manam man tay mën na ko wax ne ko day mu koy jënd nangam ma ci baye ma retiré wu bëggatuma wala boba bank bi day tey affaire jaay ko kenen comme ni momo na nek man ak mom feek jënd guñu parce que feek de feek takaliko guñu ci jaay me jënd bi feek manam do ki woguñu dogo guñu ba japp ba ki ba fas affaire bi ba signé man buma nexé retiré wu mais nak problème bi banque bi am fi ni ñun ci suñu cas de figure yu bari yi ñi dund moy ne mom da dul jël ben risque banque bi mom amul risque soit yow yaay perte wala man may perte fof fof la haram bi di duggé man ce qui veut dire que tay man mënuma di jaay lo xamantene tout temps dama lay laaj matériel bi ñaat nga koy jaayé nga wax man amal na la client xaram yow ñaata ngay jëndé mo wax après man la yow livrer diw dedet bobu da haram bi dagat moy ñaar nga koy jaay nga ni ma nangam bama xam ne ki tamit nangam la koy jënde ma ñew jënd ko ci yow ba pare dok ko jaay wala ma lepp la ko ba mom ko ba mu teyi ko ba mu neema leer ma ni li ngi ma ko mom ma dok ko jaay parce que lutax parce que entre temps la bima na le livreur ma diw mom bobu soufi matériel bi soufi yakko marchandise bi soufi yakko wala mu lak wala comme niñ koy waxe ndogal am ci mais man je le scrie alors que al kharaj bi daman mo lol ma qaida bo wal al ghunub bil ghurmi voilà manam bénéfice bi li tax ma am droit lal ko moy garantie bima am ci bu perte amé manam voilà man am perte man tamit voilà légis association tamit non lay démé manam tay buñu ñëwé di ki mais aussi obligé wul ñu xat ko ci digg bi obligé wul lool tay par exemple bu fekkante na man dama indi par exemple dama indi xaaliss bu gëna bari wala lima participer mo gëna conséquent parce que dama indi souf ci indi matérielu mbay mi indi le tek bënn téni wala forage ba paré na la yow da ngay arroser kessé bu boba mën nañ suñu sédo mën na bañ ci mais fo ñu depp au départ ki né nangam lañuy hein sédo bi nangam la lool fo ñu depp ci au départ contrat bi mu leer fo mu leer au départ voilà baax voilà légui buñ né 30% ngay jël ma jël 70% non tamit buñu démon tay ba récolter perte am non lañuy sédoyé ci même pourcentage bobu lañuy sédoyé perte voilà mais perte bobu kon dañ koy sédo voilà ci cadre figure bobu maintenant bénéfice bi lañuy sédo c'est-à-dire que buñu joxé ku né la nga mom ba paré la nga dugalon ci départ bi ba paré après ñu jël bénéfice bi manam bo arté bobu na moy duggu ci yenen commerce liñ doon wax sank nak ci banque bi ak ci njaay mek yoy manam al kharaj bi daman bobu manam limay permettre ma meuna am resultat produit ma meuna profito ci njaay ci commerce bi moy lan moy risque yi may encourir lool mo dox ci bourse lool tax bourse yi baxul parce que bourse waji fé rek lay top voilà bi spéculer ci yefi jambo lo xamné la lu ko déjà kon momuko famé bu féké dina wadi mom wa dafa am ko bo commission pour nous dire la mom koy placer mom ñu wax xalissam dafa am ko koy jox ko mom koy placer xaliss wa légui wadi ni muy manipuler xéne du xalissam mais wadi ko def on wa mais xaliss ja mais ci limi spéculer yi fi jambour la Non. Mënul déparé ci lo xamanténé réel c'est une fiction hein voilà légui jox ma cadre figure bo xamantene non mais si bo xamantene départ fenn parce que bourse kenn du ko def ci ne rek saway kay ñu bourse ñu daal di dajolo rek commencé waxtane wa duggal na sang doy duggal do le non xamoo dundu fictif légui ma jël exemple voilà fekenteene ki nga xamantene mom nga délégué mom ci bourse notre ci day liggéey ci bourse bi wa légui mom dafa war di jël ay entreprise mais doy entreprise yu fayit ak yoy yow xamono ci mbir yoy lu bari mais yow joxon ko plein dérogation plein pouvoir wa mom mu liggéey wa mais xaliss bobu non est ce que mom amna sañ sañu comme yow ya ko jox délégation wa ci am sañ sañu di ko manipuler non dede non garantie bi mën na né wala lan moy lan fait man je crois que question moi est-ce que des traders dagan na wala dagan c'est ça voilà c'est lool rek mané toute la question c'est ça voilà parce que trader de définition de parce que trader de définition de l'ensemble voilà légui défendant légui question bi moy parce que yow est-ce que xam nga ni bourse doxé déjà parce que il faut que nga comprendre d'abord ni doxé pour mëna wala pour mëna comme ni ñu wax alhum faron ani tasawur lool qaida usuliya lu am solo até ci mbir mu nek dafa wara am un préalable moy ma xam de quoi s'agit-il voilà il faut que ma xam affaire bi d'abord ni mi doxo parce que spéculation bourse spéculation lay défar tout ce qui lepp ci bourse xola tay mi ngi melni tay yow fim doon gis nga fele ci walo ke bobu nuy bañ naay pour mu pratique quoi parce que comme mu xam na walo xamna cheb bañ fay bay ak ki bi hein ak maulana wala ak ñom ki tamate ga ki bi fofu la région du fleuve là mais bu gaay ñëwé di spéculer ci marchandise bobu pour mu yé manam pour di xol ñaata lay jar ak kan mo koy mom ak nan lañ koy jëndé ak voilà ce qui fait que mom baykat bi mi ngi fele di bay mais man may tok di waxtané manam di indi ay circonstances nan c'est que xam nga walo temps yi sécheresse dafa am motax affaire bi nangam voilà kenen da di ñëw donc man li lay jëndé kenen da motax ngay gis su bourse bi su amé ben problème ben deuk rek nga gis bourse voilà bourse bi yek wala mu wacc voilà comme pétrole voilà parce que ci spéculation lay doxé et que mën nga fi jënd jaayat fi lo xamné comme action yoyu jënd fi jaayé fi lo xamantene voilà ba tay téggo ko lalu goko voilà maintenant nak comme li ngay wax ni yow li ngay wax ni loloy trader moy ki nga xamantene dañ koy wax rek ne ko demal defi ji ki ngay duggal ay action dik ji genné di voilà di spéculer ci affaire yi pour meun ñu indil xaliss voilà en gros meuf na teñké lool métier bop meuf na ko teñké lool nak mom mo tagunu parce que gis nga ci waji Jérôme xawma nan la tuddu waaw koku bo gisé problème diko dal mais ci lool rek la ci lool kessé la lool rek la liko dal yépp ci lool rek la juggé ce qui veut dire que après lan lay casse système mais mom xamone na ni système bi non la démé comme tout le monde yalla ñu yalla sam est-ce que la question des enchères ça rentre dedans dedet enchères amone na jamono yentou bi sallalahu alayhi wasallam mais enchères da am incertitude non non xam nga lutax mu dagal enchères moy ñun ñep dañuy tek matériel bi ñu mi ngi ni ñun ñep ñu xamne mi ngi ni voilà ñu ne légui ku koy jënd yow nga ne man li 100 francs do nga la ma jaral man nak jaral na ma 200 légui kuy jënd kuy jaay bu mané ma ngi ni am li lay jaay ku lum la jaral nga ne ma 1 euro man 2 euros kene 2 euros la ko jaral mané ku mëna yok kene 3 euros la ko jaral mais par contre li haram mo moy dégo gi voilà dégo gi moy comme par exemple ngeen waxtan dané affaire bi dañuy yok manam man ma ñew man may jaay marchandise bi ñew na la bu gaay waxe rek yow neul 4 euros buñuy départ rek yow neel 4 euros su ko defé gaay yi gitu sen voilà lool mom moy xaram mais parce que lutax parce que ciosanu ndjay dafa départé d'abord ci jaral namako wa wala dit amna ben wax buy circuler buñu dégg souvent nan amo droit am xawma bénéfice wu nangami pourcent am nga droit am bénéfice milliard sur 100 am nga bénéfice am nga droit bi problème bi yépp moy jaral ak ñaka jaral mais lolu tamit dañ koy teunk ci ben cas de figure bu précis ci ben mbir mu am solo moy lan moy est-ce que moy circonstance bi moy problème éthique bi circonstance tay par exemple munuma jël ben ma yegne fiet 1 mois tiep dana manki té ma xamni dëkk bi comme wa KMR xamni tiep lañuy dundé ma dencu ko denc sama tiep yépp ba fiet 1 mois ma diko jaayé ci bénéfice bu jaadul wala lool circonstance day haram mais sudul lool jaral nama ko jaraluma ko wala motax ngay gis xolal leg te d'ailleurs dang koy gis bo xolé casino wa bo xolé comme ni casino fi ci sou limi jaaye moy petit casino la petit wala ak par exemple ñom bo nga comparer prix bi ak prix par exemple Lidl wala Edé moy ja ak benen bi ci dess Aldi ñoñu nga comparer wa ay Lidl price nga comparer sen prix da ngay gis différence bi té pourtant même matériel bi lañu jaay même affaire bi lañu jaay circonstance bi c'est ça voilà mais bobu tamit day haram dedet bobu du haram dedet non bobu du haram parce que yow jaral na lako xam nga yow fimu toll buma wacce man buma né man mën na dem ba fi c'est rek lay jaayé Aldi c'est dans 3 km là buma jëlone tram bi mu yobuma ba ci wedga ma dox def jaralumako mais dama bëgg jël casino bi nek fi mais am man bimay wax moy le fait que waji ne comme man damay jouer sur le fait que ñepp dañuy tout 20h comme man damay ubi ba 1h du matin donc man rek ma fi ubi bu koy yeki am ci non mais bu koy yegge c'est que lolu likoy daganal ben affaire la moy le fait que mom mu koy yegge ben moment manam que digënté bi manam du matin au soir même prix bi la koy jaayé voilà du matin au soir même prix bi la koy jaayé donc kumu jaral nga jënd kumu jaral nga dem jënd ci fenen bu fekkenté né lolu kiwulako bo bëggé téla jënd nga téla jënd so xamé ni voilà lolu mom forcé wul kenn né kaayen force da ngay di jënd ci man ak ma fi jaay affaire bi voilà manam parce que lolu mom voilà lolu motax même ki yor monopole il faut que ñu réguler solo ni mi jaayé ak ni mi voilà ni mi marché lé question yi bu dugg ci théâtre la xati sunu wax légui lan yi dakh tala fas la di asna fo voilà fop voilà mo ngox fop voilà fop bi ok fashito iza kana yadal bi yadi su wuté rek jaayé la num len nexé su dé loxo ak loxo la maintenant yenen yi moy yenen li tax affaire bi mëna am problème nak parfois moy liñ wax sank cela aywa qu'est-ce qui ne voilà lu lerul lak ana lan mo lerul loxo fekay jamono bi nga xamantene ki jaay yow mu ko gis mais période biñu nek ni dina am lo bëgg ki la koy jaay yow du nek sa kam waaw yo téléphone wala mo jaay ci benen intermédiaire voilà non mais si loxo la parce que tout temps dañ nan dougalal sa carte bancaire nga dougal nous livrer le sa matériel manam loxam la fala manam pour question va me donner votre affaire trader amna benen ki bu ñu wax moy li ñu tudde gestionnaire bu ko def rek wa mom moy lan moy ki xam tane wa dama yo 1 million wa sa compte wa même nous commander 1 million gestionnaire de fonds wa mo bëgg mu yok waaw xamoo lu la neex mais na yok waaw na yok waaw perte aussi ni ba assumer derrière bien sûr kuy assumer manam ki la jox borom xal voilà waaw est ce lolu lolu lañ wax kafala gis nga kafala gi wonon dégg sax waaw waaw si si lolu la mom mom ni ni mais na yok la essentiel en fait mom bu gisee ben action France que d'accord mu jënd Ah non non non. Non non non non non non non non non non non non non non non non parce que au moment où day dugg xam nga comme que système bi moy dugg manam façon interaction yi moy haram interaction yi fay doxé moy haram lool mom motax duko mun utiliser non mais mën nako utiliser nenen moy par exemple mu jënd ay voilà ay nak après jaayat ko ah kon ci système bi la yara mais ci digënté bi ñom ñaar dedet non non ah mais attention après daf koy laal daf koy wax mu yox mu fay ko voilà mais gestionnaire dafa ko fay non ngay fay wa mais lim koy fay ci né contrat mais da koy fay wa mais lim koy fay day leer non day lepp ci contrat ben day leer na ñi ko voilà non mais attention parce que amna ben façon fayil bu haram té ñu bari dañ japp né garaw non non non pour boire benen affaire la voilà manam tay non moy tay buma né la dama lay fay 1000 euros par mois ak neexal amna 1000 euros amna buña neexal Voilà, mais lire. Waxuma la lan la. Amna rek neexal. Lolou day daal haram. Xam nga lutax moy haram? Oh. Hein? Intéressant. Non non, dedet. Xam nga lutax mu haram? Non, neexal gogou. Lutax mu haram? Parce que dafa incertain, c'est-à-dire que dama lay fay nangam ak nangam donc l'incertain là le li nga dafa incertain ce x là bu duggé ci bir li nga xamné dañ ko xam daf koy rendre daf koy def y bobu duñ xam nata la manam 1000 euros plus 1x ça devient y 1000 euros plus x égale y mais le y est inconnu non mais Charles dank voilà mais nagn ko nagn wax kenn par kenn sino ciowlu day bari te dara du leer ayo legui lan moy problème legui man so ben contrat je signe un CDD voilà ñu neuma ce contrat day am salaire mensuel voilà fixe ouais salaire fixe tous les mois tu auras 1500 euros waaw waaw legui nga am prime variable Prime, ça dépendra peut-être des résultats de l'entreprise. Waouh. À la fin de l'année, d'agam ce salaire fixe, bien sûr, à nous ramener, doit ramener d'autres gam. Waouh. Parce que prime, ça va changer selon les années. Ouais. Quand l'autre, dans ce cas, le contrat, il est pas haram. Enfin, il est pas. Non mais haram. Non mais haram. Non. Dafa am ben kon yow ñaari mbir nga dox ñaar la non non c'est important ñaari affaire la moy dafa am contrat bi nga xamantene en tant que travailleur la muy ben après mu am benen contrat bu signé entreprise bi bo xamantene ci musharaka bi ma lay wax la sank c'est à dire que musharaka moy association la c'est à dire que yow da ngay nek fofu en tant que kuy liguey pour après ngir ces deux bénéfices bi moy comme cas de figure bi mala wax sax ça veut que deux choses voilà bob mom graw wa bob graw parce que benen ki bi motax manam benen musharaka bi motax voilà mais tay par exemple buñ newon tay par exemple am nga 1500 euros ci même cas de figure bi nga def may un exemple bi nga def mais am nga 1500 euros CDD mais à la fin du mois bu joté voilà dina am lunu la jox dina am luma la ci bolal mais lolu préciser wumako bobu day haram parce que xamuma sama manam lolu dama ko bolé ci salaire mam dafa bok ci contrat bi alors que tay mën na bu fekkone na bokul ci contrat bi à la fin du mois yalla mën na def mam luma la dox bokul ci contrat bi suma nexe mën na la may dara suma bu fuma nexe solo mes humeur lolu mom du lolu bokul ci contrat bi wa bi gëna courant wa moy par exemple vendeur wa xam nga ñom dañuy am salaire fixe par exemple dañuy am salaire fixe 800 légui matériel buñu mën ci jaay par exemple am nañ ci 15 bi 15 centimes bi 20 centimes wala bi 1 euro 2 euro wa variable mais ci matériel bi lay aju wa ci matériel bi nga jaay lay aju wa lima jënd wa lool mom lool graw non attention amna bu graw moy comme tay par exemple nela da ngay jaay rek solo li nga am rek loolu lañ lay loolu ngay ci wa nga xamantene mën nga bëna am salaire voilà manam moy mën nga bëna am salaire c'est à dire que comme tay par exemple moy comme ni gaay di jaay lo nit ñi ki beñé ci plage comme bobu yoy ñuy jaay beñé ci plage xam nga ni da ngay gi ben kon ñu ne la ki amna dañuy ci été bi jotna dañuy jaay lo ni tay solo li nga jaay nak ci lañ lay fay parce que dañ lay sonal voilà lu baax lu baax mais ki nak par exemple jaay immobilier xam nga légui dafa fréquent da nga jënd ben bien bo xamanteni la pas encore construit ben bien bo xamanteni on l'a pas encore construit xam nga lo toucher souf non non par exemple ñu tay dañuy appartement voilà xam nga tay par exemple ñu la buy gëna tay dañuy défar may lool lañuy wax ki vente en salam la salam lool moy salam non lool baxna alors baxna mais à condition que nga lepp leer au départ voilà limay jënd ma xam ko comme par exemple non la comme auto tamit mën na jëndu auto bo xamantene défaruguñ ko mais xamna ni caractéristique yi ni la présenté nañ ma lepp bama xam ko ak ñom dañ lay défar plan bi c'est vrai ñet ni légui affaire bi ñu mom ko mais ñu joxe ben apprentu ñu tabax ko waaw lool la wa lool moy bayyi assalam apprentu wa moy ci wax ñu ngi doxam ñu non dugg ci ki bi moy commerce wa mais apprentu am tant que tel wa mom est ce daga na wala da dama bam ñep wa mais li ma jottal liggey fay ma non bu de ci ñeul ak yalla no waxuma li nga xamne dañ koy kidé li nga xamne ci du waxuma account sur salaire dé comme boy jënd par exemple mo ñew di jënd ben appareil mu jar 100 euros gaay ni ma liggey da ngay joxe account 10% pour la pour réserver da sa fait légui yow bo jëndul bo lémé ba fokk né jëndut ma duñ la ko delu del lo dafa haram non lañuy wax rahnu lolu lañuy wax rahnu mom moy nako lañ ko wax ak wala ñu defal la avoir amna lañ ko wax ci ha wa amna lañ ko wax ci jige non rahnu moy ki avance dedet hypothèque voilà hypothèque là non yow li nga wax am man di bay won tout temps bo ni dañ nan defal compte 10% hein voilà compte le tout non compte ni wala la ci bo man la nek ci bay temps voilà compte leg yow suma ko jox suma ko yé suma ko fa bayé leg lu ko bay leg am nga ko motali wut ñu même suma ko motali wut c'est soit ni la ñu dañé pour ça dafa diga soit ngay perte soit ngay defal la quoi dedet mais bu dey immobilier ni lay déga quoi bien vu 120 000 déjà. Avant de commencer, je donne 10 000 par exemple. ay commande li fondement ba par fondement pare ñu donne des 20% ci ñu débé ba kaw bu jaré 30% ñu ki am diax bu féké dama ko jëdd digg bi joxé wo matelo en fonction de l'avancement bâtiment bi ñu perd des pourcentages. Waaw lool tax lool yépp ben la yoyep ci haram la mais man sama question bi du won lool de wa mom lim wax du lool voilà manam kenn ku ci nek da am question bopam non parce que il faut pas détourner les questions des gens non parce que dafa fray dans motax non li wax dafa haram lool hypothèque la hein ki la akon non akon wa mais dafa haram biñu wax bimu wax da haram hein comme tu disais tout à l'heure comme on définit pas tous les mots avant là voilà on s'embrouille tous parce que tout à l'heure tu as dit l'intéressement. T'as dit deux choses, t'as dit une fois c'est interdit, après une fois c'est bon, parce que en fonction de la définition de la personne qui... Voilà, en fonction des choses. Tout à l'heure, quelqu'un a dit intéressement, mais en fait c'est pas l'intéressement, quoi. Ouais, donc, c'est plus vrai. Ouais. Parce que l'intéressement et la participation, c'est l'entreprise, elle a ses bénéfices. Ouais, ouais. On prend les bénéfices. Voilà, alors participation, voilà, c'est comme si... Voilà, participation, voilà. C'est défini par les conventions collectives, donc en amont, tu sais pas combien tu vas gagner, mais tu sais que si l'entreprise a fait tant de bénéfices, voilà, voilà, leur participation là, voilà, ça c'est la partie. Voilà. L'intéressement c'est si l'entreprise a fait tel chiffre d'affaires, voilà, tu auras tel argent. Donc tu le sais pas, le Y, le X là, tu le sais pas, voilà. Mais en fait, à la fin de l'année, au mois de décembre, quand le compte de résultat, quand le compte bilan il est sorti, là tu le sais, toi tu peux faire un calcul parce que c'est tout ça, ça a été négocié par les conventions collectives. Donc dans ce cas là, pourquoi c'est interdit? De quoi? Non mais. En fait, ce qui me dérange, c'est que. Non, de quoi? L'intéressement et la participation. Là. Oui. Parce que j'ai l'impression qu'on a dit deux. Voilà, choses. Voilà, la participation légui. C'est comme si l'employé est un associé. Voilà. C'est comme ça. Voilà, l'intéressement, moi, là. L'intéressement, mais voilà. Si je ne me trompe pas, voilà. C'est... Ah, si tu ne te trompes pas. C'est pas sûr, et je ne prends pas la responsabilité. Intéressement, moi, je n'ai pas objectif. Non, mais si c'est ça, c'est interdit, bien sûr. Non, l'intéressement, normalement, c'est... L'entreprise a un objectif de chiffre d'affaires. Voilà, c'est ça. Mais ce n'est pas l'individuel, c'est le collectif. Le collectif, c'est l'entreprise. L'entreprise a un objectif de chiffre d'affaires pour cette année. Non, mais tout ça, non, Hara. Parce que souffrir quelqu'un, départ où, de toute façon, souffrir quelqu'un, d'abord départ, tu l'as ramené. Yo, amoulo, tu ben maîtrise. L'autre du bar, quoi que c'est sûr, ramène quoi de malheur. Il faut que tu comprennes. Non, mais il faut qu'on soit. Non, attendez. Non, il faut que Ken le dise en même temps. Parce que quasiment toutes les primes. En fait, dans les entreprises, il y a trois choses: la participation, l'intéressement et la prime. Voilà. Des fois, ce que les gens appellent prime, c'est l'intéressement. Non, en réalité, il y a trois choses. Donc, participation, intéressement, prime. Prime sur objectif. Mais c'est pareil que prime, du coup. Mais du coup... Donc en réalité, il n'y a que deux. Non, en réalité, il y a trois choses. Ah, mais... Comment ? Intéressement, prime sur objectif, c'est la même chose. Oui, sauf que la prime sur objectif, c'est l'individuel. L'intéressement, c'est le collectif. C'est juste ça, la différence. C'est-à-dire que la participation, donc ça, c'est bon. Le bénéfice, voilà, qui se divise dans les salariés, voilà, qui c'est pas comme tous la même chose en fonction de leur grade dans l'entreprise. Voilà, donc c'est ça. C'est en fonction de leur salaire initial aussi. Voilà, ça c'est la partie. Voilà. L'intéressement, c'est qu'ils prennent l'ensemble du chiffre d'affaires de l'entreprise. Ouais. Je crois en ce moment. Ils prennent l'ensemble du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et il faut être sûr. Ah, Nicole, Wikipédia, intéressant. Non, mais c'est pas mais ça. Non, c'est juste pour te dire que, en fait. Voilà, je pense, je veux pas induire. Voilà, Légui Wahal, si c'est le cas. Voilà. Bon. En fait, l'intéressement et la prime, l'intéressement c'est une prime, mais c'est une prime du collectif. Non, mais. Et la prime, c'est la prime sur l'individuel. Ça veut dire que l'intéressement c'est un objectif. Tu dis l'entreprise, elle a tant de chiffre d'affaires à la fin de l'année en décembre. Alors si elle arrive à 2 milliards, ok, on va se répartir 1 milliard, tous ensemble. C'est ça, oui, non. Parce que pourquoi c'est illicite cela? Parce que on est jamais sûr, quel que soit l'effort qu'on puisse faire, d'arriver à ce résultat-là. C'est là où se trouve le problème. C'est-à-dire qu'on n'est pas récompensé à travers notre effort, mais c'est à travers de l'objectif. Voilà, de l'inconnu, voilà, incertain, voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire de cette action? Voilà, là, après on va en parler. Ça. Voilà. Wala ma jël sama boutique jox ko ne ko nañ jaayal ma légui dañuy seddo solo bénéfice ñi am voilà question de champ qui est contre elle de qui est plus à chaque fois c'est mis en fait Ça veut dire que les bonus aussi, donc c'est illicite alors. Les bonus, c'est-à-dire. Les bonus, c'est-à-dire que en général, tous les managers ils ont des bonus. Ça veut dire que tu leur dis telle année, tel objectif. Normalement, ton salaire c'est 500 euros par mois. Ouais. Mais si tu as fait des objectifs qu'on t'a donné pour lesquels. C'est aussi illicite. C'est pareil, c'est aussi illicite. Parce que qui atteint notre objectif, il doit me prendre. Voilà. C'est aussi illicite. Non, mais. D'accord, rien de voir en même temps. Là, il a une autre définition. Vous faites devenu bénéfice de donc ça dépend de l'entreprise. Voilà, C'est là où se trouve le problème. Exploitation. Voilà. Moy ligéyal ba sonu. Pour ne pas recevoir le salaire bi nga xamantene mom lañ waxanté won. Suma jëlé ay projet yo xamantene dama ko acc ci sama salaire ci intéressement bob. Pour intéressement bi yexé. Comme mandat. Légue. Voilà. Pour boire. employeur non pourquoi non jaar parce que man dama xara c'est important parce que man dama ci gis ay cas concret da ngay liguey ba ngay liguey entreprise nga dem ki ngay liguey da dem ñu jox la pourboire légui c'est li bay wax moy ndax ya ko mom wala mom ko wala jëm ko moko mom parce que c'est important waje ko mom waaw pourboire waje ko mom kon mo na la dal djel ko voilà voilà voilà après mom bu ne la djelal nga djel voilà mais buñ la joxe dang koy bolé ci entreprise ci entreprise bi mom lolo tax mo posé lan ak bu ñor ci abonné parce que ni mo comprendre moy muy jënd ben bien par exemple pour mu wor meune engager ko par exemple comme lo ki lolu lay dire dama may jox tam fi baye tam waaw ngay dem jëri xaar waaw lolu may ko mon ki lolu la comprendre waaw legui man buma jëndatul nan lay def ngay dem jëral sa avance non do ko jëf am naño xamné c'est soit ñaara c'est soit dañ lay raw voilà legui réponse bi li la su fekente ne dañ lay delo wat affaire bi lolu gravité bi day tégué su fekkete ne duñ la ko dox bo lool sik ñaar sik ne ku ci bu le dañ la ki wañal 15 sik ne ku ci la rak xarab legui benen ka bi waaw xamne daf ci fréquent aussi parce que ñun dañ nek ci milieu bi aussi té motax ñuy bëgg poser question yi mu leer pour ñuy baña dugg ci erreur waaw parce que account bi parfois c'est soit da ngay ñew comme ni ñu wax ñu délo la nga joxe 10% par exemple ki bi dama la koy dama ko bëgg jënd waaw ñu ñew ñu avancer le 10% ma joxe 1 euro la doon jor ma jox la 20 centimes waaw muy 20% waaw ma ñew neul jëndatuma nga délo ma sama 20 centimes waaw wala dag may nan légui sa 20 centimes dama lay defal avoir moy lan dama lay jox ben papier buy woné né yow magasin am nga fi 20 centimes bo ñoy di jënd lenen ñu deux est-ce que garantie day dougu ci souba garantie la garantie 3 ans jënd ben appareil ñu né la nga garantie ko 3 ans ñu ya xol non non garantie mo non gar système de garantie yoy te ben la c'est illicite ah bien sûr garantie mom non lool yaakaar na li gëna tout li gëna tout xel xam na ni garantie jël un garantie dafa haram lool ki non non dede non du bi ci inclure xara nañu ki buñ toob faut garder bo jënde ces garantie waaw garantie bi ci inclus bok bokku ci non supplémentaire parce que koku mom jaykat bi mo ni la am mayna la ba bu nangam amé bu ci yakko ci digënté bi mën nga mako dello lolou jaykat bi mo la ko may donc yow mën nga ko jëf mais bi nga xamantene mo baxul moy yow nga ni comme par exemple ñu xamné matériel bi 1 an lañ ko garantir nga dem jël garantie 10 ans bobu kay ñaar nit ñi ko kay jarul woon sax makoy wax ñim ñep xawor na lool xamni baaxu wala comme assurance wala han camera daara ji biñ ko jëndé dañu jox garantie 2 ans wa mais ndaw si né légui boy ñu joxé 12 euros wa ñu garantie leen ko a vu sa yu yaqko rek ñoo ñu joxé bu bëss wala bu wa ala ayo légui kon ñu déllu wa gënë gi alors mais dama faral def fréquemment ñi jé mais nga am kina mu ñëw mo ndi le débit wa da jago ma mais ci biir débit li mën di am ma matani ci man euro ko nga ni xara waxatal madame mënu ak ben liste bo xamné do la wara jël ben agent wa légui mais ci biir liste bi wa na marché yo xamné instantanément amoko wa do dang ko wara jël bi légui man ma dem sama ben mbokk commerçant mané ka côté wa mu jox mako mu jay la man comme da lebal rek do ko fa ñu fay wa ma jël ñew jox la ci jay ko wa mais daf la koy lebal ba pare bam leer ne lebal na la wa man xamna li moko jay ba dam mom do na ta ya wala bok ta la ko jox wa legi mu kon lebal da la ko lebal non parce que bamu leer parce que le problème moy bok mu jël ni mu jël ni ko jëlo tamit wa mu jël mu ngi ko jëlo am lebal ni ko non parce que lebal mom liñ ma lebal bu moko munta fay mën na delo wat lañ ma lebal mën na delo jëg manam lebal ñaari façon yi la am damay delo lañ ma joxon wala ma delo jëg ki mo wajna no finalement sa jëlou ko dé da ko fa si waaw yo ngay xam nga ni dara bi non non bobu graw dédé kagn lay graw moy su fekkenté né yow da nga dem jël ko té momo nga ni saway amal na la client voilà amal na la client nga dem ki ko comprendre ala nga dem jay ko waji jox la ba pare nga dom prix bi manam comprendre nga luma beug wax voilà fege da wax ki daf ko ni amal na la client leg mu ñew jox da ko client bi tan ruñu réellement et après momit mu ne si mu ne gënë xay no am mo fay li parce que waji dafa jaay lo xamantene momuko voilà dang koy lepp bam leer ne lepp mako voilà akon sa dépend rek bo demé ci waji la jox matériel bi nga nako lebal nga ko lewlo voilà voilà ngeen d'accord ban d'accord ci ne lebal na lako kon yow legui mom nga parce que fan la ki bi nek moy ci digënté bi tay bu problème bu yakko ku ko ki Quand moi responsable parce qu'il faut que nous situer responsabilité. Voilà. Comme tu as dit, vous m'en êtes là. Les mu doga daanu tax man may responsable wala mu teyiko ben way keuf ko daw man ma wara top ko bayo yow ya ci top man ma ci top mais yow du yow parce que man la responsabilité bi man la engager legui dogal client moy lan ma xani ñu ñu ñaar da xaar mëndi lako dem ci ko ñu ñu lool lañ doon wax legui lool lañ doon wax legui lool lañ doon wax ni fekk momu ko nga jaay lo momu ma la fi fo nga dem ba jënd ko wala nga lepp ko ba mu leer na wala nga xamne lu ko dal rek yow ba wala comme yeen ci wax rek salalah la tabay ma laysa indaka lo momul bu ko jay wala lo momul ba teyiko ba mu nefi yow bu ko jay manam moy non seulement lo momul materiellement mais aussi lo momul manam lo xamantene nekul ci say responsabilité lolou mom motax munuma jay par exemple benn par exemple jeun jo xamantene jeun bu nek ci geej bi munu ko jay wala jox man nga bo dewe parce que worul mën na dem wala moy de wa jeund jatt ba lan comme ñu ñew ñu lebal la ben ke matal bokk nga bëkk ko jaar ci ñu mais yow ya ko mom sa kër gi mom sa tour la nek mom boko xasse ba tey ba mom ko ba mbiri nek ci sa tour mën nga ra ko jaaya par contre bi dul dagal moy benen interaction bi moy ki jënd ba paré né la ki jaay ba paré né la amo droit jënd ko amo droit jaay ko amo droit jaay ko tanka amo droit jaay ko tanka de bobu da contrat bobu ci bopam mo baxul wa kon vente location yi ci keur comme par exemple nga loué ke au bout de 20 ans yow ya kay mom wala 30 ans lolou dafa aram ou pas non mais voilà voilà non parce que tay bu fekete da nga jënd keur go xamantene dañ la parce que xam nga yeen bi sallam dafa téré contrat ci bir contrat dafa téré contrat ci bir contrat manam muno manam am jaay ci bir ñaari jaay dafa haram manam bor bok ñaari jaay ci bir jaay dafa haram moy tay muno def contrat location en même temps ngref contrat en vente non mais après contrat la vente c'est après c'est-à-dire au bout de quelques années ngay lan nga koy lan ya kay mom mais kon kay dañ la ko jay il faut mou leer non contrat location vente lay tout wa lool lay wax voilà lool moy ñaar contrat yi ci bir benn bi motax parce que yow moment bi may jënd affaire bi parce que amna ka bon tout dépend parce que yoy yep ay cas de figure yo xamantene yenn yi meuna dagan yenen yi day haram voilà ay cas de figure yu bari la bon maintenant cas de figure bi ngay wax moy nga xamantene dama koy jënd mu leer mané mako jënd mais 20 ans la koy fay 20 ans yoy sumako jaay sumako jëndé manam buma fayé pendant 20 ans man mako mom il faut que nous définir suma fayé ba yag manatuma fay ana nan la mbir mi di démé lolou lu mu démé c'est-à-dire comme c'est respecté mon auto ñu repère la maison bah voilà lolou lay wax kon man légui ma perdre sama keur c'est tout mais nous voilà légui voilà lolou mo motax voilà lolou mo motax nak lolou mo moy problème bi parce que dès le départ lerou njay mi ci bopum dafa leeru li meuna nek moy dama koy jënd wala dama koy loué wala bok ñu ne ma soko démé ba manoko fay bu boba man nga meun nga xol nokoy fayé et cetera wala ñu muñul le ba ben jamono ak yu mel non mais munuma jënd ko ba paré tok ni sama kër la après ma jék jék gaay diko nangu parce que tout ça ma tok na ben moment munuma ko fay. Xamna ko fay xamna li nga wax legui kay comprendre non non parce qu'en fait là dans le contrat location vente au moment où ils reprennent la maison toujours en location au moment où ils te reprennent la maison tu peux pas la payer tu es toujours en location mais c'est ça donc ce n'est pas donc de vente. Oui, mais donc elle t'appartient pas. Toi, tu oui, mais donc pourquoi on l'appelle location vente? Parce que je ne l'ai pas acheté. Non, mais non, du coup c'est pas une vente. C'est option. Mais non, il faut que c'est pour ça. Lol, tu rares que les doubles. Madame, vous m'avez fait bel contrat. Il faut que ça soit clair. Et ça, il y a une incertitude. L'incertitude, c'est le fait que je puisse pas détenir ma maison. Mais c'est pas la tienne. Oui, c'est parce qu'on te dit. Ok. Donc mais où est la vente alors? La vente, je mets, c'est où? Où se trouve? Voilà, au bout. Non, au bout de ben mënon na né. Au bout de quelques années, dama la koy lebal. Nga dëkk ci. Dama la koy nu tuddu? Loué. Nga dëkk ci. Bo démé ba nangami année, nga dëkk ci. Sou bëggi jënd. Nga motali li ci dess non du même bi xam nga lu tax du même principe bi non du même principe non dede au bout de 10 ans xolal non del fay 500 euros par mois au bout de 10 ans nga jox ma 50000 euros lolu beaucoup ak fayal 500 euros par mois au bout de 20 ans nga mom ko. Et que soit demain, bon, 19 ans, monoko fay, maintenant que ça me coeur, du ben. N'y a du ben. Voilà, demain la leba li, en attendant, nga préparer sa khalis pour man ma del jok nanga. Mais ligue ni mom, demain la koye lebal. Donc, fille 10 ans, lebal, qu'est-ce que le tout doux? Suma nexé damay jël sama keur nga jël nga dem bo bëggé louer fénan nga louer fénan bo bëggé jënd fénan nga jënd voilà et que mais au bout de 10 ans man mayna la fi 10 ans en attendant dama lu ko louer fi 10 ans nga jënd lool man na né voilà mais ce qui n'est pas possible moy que ni pendant 500 euros do nga may jox pendant 20 ans et que buñ démé ba ben moment mënut lo fay damay nang sama kër nga perte lepp voilà. Mais si c'est bien. Mais de toute façon, location, c'est déjà comme ça. Non, la location, oui. Mais le souci, c'est que dans le contrat, il y a le mot vente. Les termes du contrat. Voilà, terme moins vente. Et que si nous demandons au bout, man may mom keur gi. Mais donc il y a cette part d'incertitude. Lo xamantene wouruma ne mako mom ci jënd na. Luma jënd lo xamantene wouruma ne mako mom. Sama non mais si. Voilà. Est-ce qu'au bout des 10 ans, là, dans le contrat location, je connais pas le contrat, mais est-ce qu'au bout des 10 ans, tu payes le prix de la maison moins ce que tu as payé ou tu payes toute la maison? Non. Non, en fait, il faut que mon l'air dès le départ que ni ñaata nga may fay même buñu demone bo moment bobu buma nexé ma jënd parce que le temps que nga mako don louer temps bobu nonu daf ma permettre man ma la koy louer daf ma permettre man may gagner xaliss donc man mën na né la au bout de 10 ans man dama la koy jaayé moins cher que buma ko don jaay tay ni les bailleurs sociaux. Voilà, je vais le faire moins cher que je vais le faire. Mais ce qui est c'est ce n'est soumis qu'à mon appréciation. Tout simplement, je vais le faire. Mais Moussa va. Voilà. Mon contrat de relation, je vais le faire moins. Voilà. Peut-être, définition, peut-être mon école, parce que. Mais quand tu as non, parce que je n'ai pas besoin de location-vente, en fait, contrat de location-vente, là, au début, on va dire que c'est ce qu'il y a, mais on va signer un contrat de location-vente. Ouais. Pendant la période de location, ouais, ce que tu payes va constituer l'épargne pour que tu puisses faire ce que tu veux. En fait, transfert de contrat, période bi ni ngay nek en location li ngay joxe wa lolou yaay commencé fay keur bi lan la commencé fay moy location bi ngay joxe wa legui dama lay 500 euros nga koy louer le temps ngay joxe 500 euros yépp c'est épargne lay dugg yaay commencé di fay keur mais legui dama lay lacc lolou lan moko woutale ak tay ñu néma jaay nañ la keur gi 100000 euros jaay nañ lako 100000 euros et que chaque mois joxel 500 euros ba kéro 100000 euros di mat lan moko woutal ak lolu donc dou réparation mat mais c'est leur appellation oui, est-ce que dans la définition tu dis est-ce que à un moment donné le non mais kon lan moko woutal ak vente non problème kon lan moko woutal ak vente c'est que tu expliquer au lieu que d'aller faire ce loyer mensuel mais lolu la lay wax ni mais lan mo goute le vente non mais dede man limu meunta nangou voilà non man xam nga la munul nangou limu meunta nangou moy ñu ne ma vente ak location vente ñoo ben lañ non man lolu munu ko nangou voilà duñ ben voilà légui dama bëggona xam lan mo woute le kon vente ak location vente. Mais vente, en fait, dès l'instant où le contrat est signé, voilà, acheteur vit, mon bien, mon bien. Voilà. Ah, ben mon bien, mon bien. Mais c'est un contrat, bon, c'est sûr. Mais faut, voilà, c'est là où entre l'illicité. C'est là où entre l'illicité de l'affaire. Voilà. Parce que de l'affaire qu'au bout de 19 ans, s'il n'arrive pas, voilà, d'autres mouna les pertes. Non, de perdre. Parce que si du contrat, de préciser, ou sous fait qu'il y a une rupture de contrat, amnésie. Voilà, là où c'est là où se trouve le problème. Non, non, il doit récupérer l'intégration. Non, non, non. Voilà, lol moy problème ben contrat ci bir contrat yi. Ñaari contrat ci bir contrat, lol moy problème. Parce que duñu mëna situer droit wu kenn ku ci nekk ci bir bi. De façon, avec les banques. Tout dépend du contrat de départ. C'est ce que je veux dire. Mais je veux dire que c'est ça. Nous, on peut tout faire pour nous sortir de cette spirale, de ce labyrinthe. Mais c'est possible. Man dal yakar na mbir leer na c'est que li ci ëpp ñun comme affaire c'est tellement répandu té ñun dañuy démé côté juridique bi ñu jàng côté tuba bé bi démé non sank ba légui ñun mom lañuy raisonner wuñu en terme de diné bi démé non lolu tax tout dal ñu nan waaw ñu ki na non affaire leer na non leer na c'est dit ah il leer ben question vente viager. Moi, par exemple, Par exemple, par exemple, chaque mois, dans quoi il verse, par exemple, 1500 euros, mmh. Voilà 2000 euros par mois, amour, on a revenu. Ça a eu des vingt heures de crédit à quoi. Mais c'est une incertitude. Quel est le petit exemple pour vous dire que vous avez voyagé, vous avez dit que vous avez une maquette. Mom mu ñëkko décédé parce que da waron ki way waji bu ñëkko décédé waaw lool bari na du jeex bu xat waaw bu ñëkko dé magat mom du jeex bu xat ay ha après légui mom numu def day perte ah magi bi moy mom kay affaire am da ci ba waji avancer bu xat waji dé mom perte non voilà wa a volonté mom ñu wax nañ ko jotaay bi wéssu wa wax nañ ko bi passé wa jotaay bi wéssu wa né wu ko wax bi fé volonté da xaram ay wa voilà kon nit ñu daanel ci né xaré Khaybar tamit moy xaré bi yénnte bi sallallahu alayhi wasallam ndëkk joxé ndigal wala autorisation pour jigen ñi participer ci voilà voilà les soigner wa ñom dañ dan ñew voilà di voilà en tout cas voilà dañ dan participer ci voilà ci xaré ñew tok né kak di topato pour affaire fagge mais ndox ge xebbo wa di wa non non na xawmu ko ha wa la xawmu ko tam lol tagat xawmu ko sa jang yegul fo ay wa legui kon lool mom moy atté yi nga xamné mom lañu warona gis ci atté fiqi alhamdullah légui kon jeexna donte yagon nañ ci walum jaay bi jënd bi né moy association voilà muzaraa ak musaqat muzaraa voilà en fait muzaraa la ak musaqat mais musharaka dafa leena eum musharaka moy association donc tout type d'association mais muzaraa moy ci mom mi ngi joge ci zara man moy mbay mi musaqat mom moy arroser irrigation voilà etc voilà. Voilà. Non, parce que jox nga ma ndeg gi jox ma nga ma ci bi non lenen la yakar ba c'est le beau vouloir. Avoir rien. Manam bu fekkene le principe do départ yow ya ko fa ba fof lolou mom dafa haram mais xam nga sama xaliss mom duma ko baye fof mais lolou fekke ñom bu ñu la delo na xaliss mais ñu lay obligé ngay jël benen voilà dafa am magasin yo xamne dañ lay delo sa xaliss am yo xamne dañ lay obligé nga jël avoir ñu la delo xaliss quoi qu'il arrive avoir waaw mais bu boba kay nga jël lene nak non parce que lolou lutax parce que dañ lako imposer lolou mom lañ doon wax sank jehatul mom fakka ci dikki jotay bi wéx moy lo xamné ci kenn ki rek la joggé mom mo la imposer ni la par force li ngay def on pourrait dire Non, normalement, mon remboursement, je dois rembourser. Non, mais là. Des fois, non, mais on ne peut pas. Non, mais voilà, l'ordre du règne. Il y a des gens qui font ça. Non, mais des fois, pas, on ne peut pas. Information, ni échangeable, ni remboursable. Quand nous, avant, voilà. C'est pas remboursable. Voilà. Dans tous les cas, tu en es conscient. Voilà. Tu le prends quand même. Donc, quelque part, il le sait que tu le prends. Voilà. C'est-à-dire que suma amé possibilité jëndé ko ci suma amé possibilité jëndé ko fenen fo xamantene condition yoy du ci am dama koy def parce que aussi ben affaire tamit amna il faut nous préciser ben affaire mom moy bu may xëssé ba jënd ben affaire ki ma jaay yow tay man ak yow tay te lool man na mala jaayon tay li sama téléphone bi ne la 50 euros la la ko jaay bañu d'accord ci nga jox ma 50 euros ma jox la bañu takaliko so ñewé ne dang koy déllo bu mo nexé ma bañ mais lool dafa wara sous-entendre que affaire bi amul vis caché que mi ngi dox mais su fekkante ni dukut lolou da fay haram ci man ma bañ ko jël voilà donc la question fofu la né voilà yakana leer voilà wa bismillah bon ki mom mo ngi lacc mu né ci jamono yi ñu nek ak jihad yi nga xamantene ñu ngi am souvent ci moy noria prochoria ndax groupe yu melni ay groupe daesh jihadisi mën nañ japp ay jam yu jigen néna ndax ils ont les mêmes droits ci ñom que sen so propre soxna bismillah alhamdullah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala al wahab wa bun wala Allah ba'd question bobu dafa renfermer ay question yu bari mais question bi ci gëna central moy légitimité wala moy légitimité bi té lolu man mënuma ci wax au moment où xamuma nan la démé information yi may am yépp ci télé bi la ko jëlé té mënuma len wor donc pour mëna utiliser manam kon c'est-à-dire que expliquer mbir mi ci cas de figure bu précise bi nga xamantene manam mom lañu ma poser duma ci mën répondre ci cas de figure bobu pour une simple raison moy né dama xamul nan la mbiri di débé ak lan moy dëgg ci liñ ma nétali lu ci dul dëgg voilà au moment où wax nañ ma né Irak dafa amone ay arme de destruction massive té du won dëgg wax nañu ma né que ni irakien dañu duggon Covid di ray xalé yi té du won dëgg wax nañu ma yenen yo xamantene benn bu ci nek buñ démé bu ci pandaw ga dañu gis né du won dëgg won nañ ma ay image wax ma né turka ngay waja tak ndax turki ñi ngi révolution ñi ngi def ay révolté wu ndekete ay image wu les années 90 lañ ma wonon pour mëna légitimer lool wax nañ ma né Iran han Iran ma ngay ña ngay étudiant ya ngay tepp di jog nek ay mbolo ay centaines de milliers voire même des millions pour daanel nguur ga ñu len di ñu am répression ci ñom té loolu yëpp do deug et cetera donc yoy yëpp ñu may wax tout le temps té dañ may wax image à l'appui té ma xamni du deug après buñ démé bu ci topandaw ga donc man mënuma wolu len ci côté bob manam mënuma am té attention loolu xam nga ñun dañ dul dafa am éveil buñ amagul ba légui té éveil bob il faut ñu am ko buñ fatlikoo il y a 4 5 ans wala 6 ans non un peu plus ëpp nako normalement lu au minimum defna 6 ans 7 ans wonnon nañ ma benn documentaire bu gennon ci M6 bu ñu tuddé won les vendeurs à la sauvette une multinationale M6 wonnon nañ ma benn enquête exclusive la suma djumul wala zone interdite ñu néma vendeur à la sauvette yi ngay gis dafa am benn ku nekk Touba ko xamantene mo fa ne mom la liñuy jaay yeup pour kokku lañ koy jaayal te ben multinational la buñu organiser ñu won ma wax ma lolu te man en tant que sénégalais xamna ni lolu ay explication la daram lu ci deug voilà donc man munuñu mo won ci télé bi dima gëm lo lo xamné man xawma lan la man munuma atté ci lumay gis ci télé bi kessé munuma ci atté parce que à chaque fois que me vérifier affaire bi ma am pouvoir de vérifier affaire bi ma mëna am xam lolu damay gis né dégaté liñ ma doon wax dara du ci dëkk voilà récemment wax nañu ma né Khadafi dafa am peuple de ñu révolté wu contre mom mais man ni ma xamé ni du dëgg moy à côté gaay ñi ngi ñëw di attaquer di bombarder di ki pendant 6 mois régime bi di résister bu fekkonté né peuple bi mu ngi doon révolution contre mom sëriñ bi lolu ñaar nit ñu xel duñ ci wéranté révolution kon at guerre bobu du durer 6 mois 7 mois finalement comprendre nañ ko wax nañu ma ci yeneeni bir yo xamantene wax na ba tout récemment encore Centrafrique wax nañ ma ne julit ñi dañu nekkon di massacrer chrétien wax nañ ma lool ba mu jaral leen ñu dem def luñu fa def lu ñepp gis né on se rend compte que ni du won deug d'ailleurs waaji ñuy wax né mom mo jité ki wa joju boko gisé sax en tant que djul diou di nga xamné ki ay affaireu xéxal xéx ndax parce que musulman la tax ko djok lool même tour bi sax man je n'arrive même pas à le retenir non mais il faut qu'on soit manam dafa am un minimum d'intelligence buñ wara am il faut pas que ñu nekk comme ay xar yo xamantene luñ wax rek manam ñun dañuy gëm rek dañuy manam c'est à dire que man lool moma jaxal pourquoi ñu nekk ay nit ño xamantene luñ la wax gëm ko la première chose bi nga xamantene mom mo meuna nek tay buñuy wax ak nit man tay yow boy wax ak man la première chose boudé ko musla moy au moins boy wax phrase bo wax ma xol ndax li nga wax yow yon na mana lolu c'est le minimum manam c'est le minimum de respect ah bu légui nak après mané d'accord légui na tek wax ni même les faits historiques xam nga tay amna yu beuri yo xamantene dañuy vérifier gis né ndékété gaay yi ñi expliquer ñi wax dañuy expliquer yi ñi lay nekk li même non mais c'est vrai yi ci nekk deug beuri wul États-Unis di wax né ils ont marché sur la lune ba waji gañu wa non lool mom c'est le plus grand mensonge parce que pourquoi c'est simple. Vous faites non mais il y a beaucoup de choses. On ne peut pas s'attarder sur ça, mais l'homme sur la lune là, l'on a amené du bruit parce que nous nous devons leur amener. Ils ne peuvent pas réussir à faire bon non communication. Nous ne pouvons réussir. Qui bir lune bi, qui instable, nous ne pouvons pas. Et qu'en 2002-2003, nous avons envisagé de nous devons sur lune en 2025. Et qu'en 1969, en quelques mois ou quelques jours, nous devons lolu yanoul mana ba paré transmettre en direct, etc. Il y a beaucoup de choses. Et puis voilà. Donc voilà. Bon, maintenant, ak yenen. Manam limu bëgg wax ci gattal moy man manuma xam lan moy deug ci li ñu may wax ak lu ci dul deug. Ci ñaar kan yépp mënu ñu mo wax né mali et surtout li graw ci ka bu en fait dañu ñu présenter la sharia comme étant quelque chose de barbare ba nga yakkar ñafa nek presque buñu gëné ils sont massacrés mais alors que bo démé bir dëkk yoy mais les gens sont allés voilà ñi ngi dund wa mais xam nga la moy yéme non mais kay mo wax lu gëna yéme mali biñ may wax né ma mali way gaay dañuy ñew nek groupe de 10 personnes environ wala 20 personnes wacc ci dëkk bi yor sen kalashnikov rajax dëkk bi mais sëriñ bi man xamna au moins man dëkk na kever dëkk na yeneen dëkk yi une dizaine de personnes mënu ñu maintenir ben dëkk même bu ñoré ay arme une dizaine de personnes kessé mënu ñu téyé dëkk bi. Bon, lolu ben affaire la waxon nañ ma lolu mais finalement biñu démé ba né souba le xex bi di tak ñu né ma ils sont plus de 7000 combattants Mais pourquoi nous n'aimons ils étaient que des dizaines de personnes et qu'après nous n'aimons ils sont 7000 combattants, plus de 7000 combattants. Donc man liñ may wax yépp de toute façon comme niko alcorane waxe Allah Allah alcorane mune ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadir yeen ñi nga xamne gëm ngeen te dogg bu fekkante ne ab katchor ko xamantene ay wax wuur bu ñëwé di leen jox information lool waxul yéfer bi dé julit bi nga xamantene il n'est pas correct julit bobu la wax lan ngay xalat ci yéfer bi et que yéfer bi nga xamantene diin l'islam rek lay bëna dégg mu lay wax dara ci l'islam lan ngay xalat ci kok kok bu ñëwé jox la ben information mu ne fata bayyanu amna ci benen jangino alcorane fata sabatu fata bayyanu moy leerlu len fata sabatu moy na ngeen fexé bas saxal mbir mo mu ne deug la werna mu ne lutax mu ne antusibu qauman bala ngeen de dal ci kaw nit di dal ay nit ñoo xamantene bi jahalatin ci rir la teggu ak ay exaction ci la teggu après lan moy xew mu ne fatusbihu ala ma fa'altum nadimina da ngeen di xey di commencer reccu nak li ngeen defo donc man xex bo xamantene xawmo luñ joté xawmo ku togn xawmo ndax xex amna sax deug deug wala deet non man yoyep dama ci reum dama ci def point d'interrogation toute chose bi may gis ci télé bi benn bi rek lamay jarign benn kessé moy ma xam ban état d'esprit lañ bëgg ma am ko ban idéologie lañ bëgg ma yor ko kessé motax le 20h France 2 ni mako fonké lool rek lamay jarign de jarignuma lenen c'est pas pour xamné nangam xewna mais pour xamné nangam bëgg nañ ma gëm ko lool la voilà deng voilà parce qu'ils me disent tout le temps des choses yo xam tane amul voilà légui nak pour ñu revenir maintenant fékénté né nit ki da fay jihad té jihad yi condition normal aussi parce que da fa am ay règles aussi té que suñu jamono ji jihad bi nga xamantene mom moy bi gëna bi nga xamantene mom moy bi adapté à notre époque et aux circonstances ñu dund moy bi nga xamantene mom la yent bi mom la alcorane waxon yent bi sallalahu alayhi wasallam ci ay yi nga xamantene ño nekkon makka même bir madina ndax sourate tawba ay mel non wax tanati moy ñaan ko ya ayyuhan nabiy jahidil kuffar wal munafiqin waghluz alayhim yow yent bi sallalahu alayhi wasallam xexal ak jihadal ak yifir ak nafiqi te nga tar ci ñom jihad bobu moy bi muy wax ne may jeufandiko alquran dun wa jahidhum bihi jihadan kabiran xexal ak ñom xex bu reuy a travers alquran bi manam moy lan moy utiliser la guerre de la communication utiliser la guerre de du langage utiliser la guerre de l'éloquence voilà et du savoir des connaissances cette guerre là ce n'est qu'à travers cette guerre là que tu arriveras à vaincre ces gens-là et donc mon élève Warlous a les mains gâtées qui n'ont voilà il faut être donc sans ouais mais pour il faut que tu ramènes les gars mais pareil il faut être très dur si tu côté bobo moi qui wah madame il faut que tu manies là voilà c'est à dire que toutes les idéologies ni bug di défendre diko yekiti te moy yu bon yep nga mabal ko avec des arguments solides voilà à notre époque c'est la guerre bobu guerre la sino yenen yi ci dess yep donc c'est voué à la perte instant bien on n'est pas préparé à notre époque à prendre des armes parce que les conditions ne le permettent pas les conditions nous permettent tout justement de faire la guerre de la communication utiliser faire usage des moyens de communication pour faire triompher le sentier d'Allah ou la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est ça la guerre aujourd'hui voilà ku mun lolu lolu lañ war def ku munul lolu na nga fexé ba japp ci lolu et délaisser toute forme de négligence par rapport à cette guerre. Voilà. Mais nous, Wadjolof, Wakadior, Jam, Wawalo, Bawalo, etc. Notre problème aujourd'hui, à l'état actuel des choses, lala, belle affaire, qu'est-ce que c'est? Moi, que le religieux, d'avoir abandonné cette guerre de communication. Il y a un siècle environ, un siècle et demi environ, cette guerre de communication a été très active. Lors mon montagne d'église pas un peu partout de dix toutes les doctrines hier à maintenant musulmans islamiques là d'avoir ancré on et que cette guerre de communication d'avoir gagné on contre l'impérialiste là ou le colon hier à maintenant de faire bougon assimilation peuple. Donc cette guerre de communication a triomphé. Je vois un peu partout, mais avec les moyens de l'époque. Moi, nous sommes Cheikh Hadj Malick Sy, Cheikh Ahmadou Bamba, etc. Radiallahu ta'ala anil jami'a. Nous, je vois les gens. Nous, faire un peu partout, nous implanter cette idéologie. Mais avec la communication. Pourquoi? Parce que l'état actuel des choses, l'état bobo des choses, moment bobo, l'on règle le monde permet. Permettre la résistance armée. Non. Cette résistance pacifique, mais intelligente aussi. Donc, guerre de communication, bobo la gagne devant, gagne rien. Mais dans le court terme, ils l'ont gagné. Mais dans le long terme, ils ont perdu. Ah, ils ont perdu. Et ça se voit. Ça se voit. Pourquoi? Parce que cette guerre de communication a été abandonnée par le religieux. Tout simplement. Tout le monde fait son travail au Sénégal. Sauf le religieux. Tout le monde fait son travail. Musiciens, ils font leur travail. Sportifs, ils font leur travail. Même pour faire quelqu'un de nous gagner trophée. Les médias, nous avons fait leur travail. Les politiciens, nous avons fait leur politique. Peut-être qu'ils ont mené à bien. Il n'y a que le religieux qui dort. C'est ce qu'on a dit. Ouais. Ibadou, c'est le seul à s'éveiller au moins. Voilà. Et alors, c'est une réalité. Voilà. Donc, époque bien, il faudrait réactiver cette guerre de communication. Voilà. Parce que le langage ou le verbe du religieux, hein? Et son argumentation mounoul manam day mabal lepp lu taxaw ci kanam mais voilà. Et pour ça il faut s'atteler à la quête de la science d'abord. Sans cette quête de la science darabule bon voilà. Légui nak benen bi ci dess moy ci bir question bon su fekkentene nak legui dem nañ ba période bo xamantene jihad bi nga xamantene moy avec toutes les conditions amnañ à partir de ce moment là c'est à dire que au moment où jihad la fi yoonu yalla bien sûr que buñu jappé ki mais c'est les règles rek même règles yi la buñu jappé e ci ki jigen ni kay dañ len di bolé ci sen jami bu len nexé Eh bien oui. Battu abolition de l'esclavage là. Ce mot là, ce terme là, l'abolition de l'esclavage. Mais moi, esclavage, bi lañuy wax dé, bi ci dess moy bi gaay yi doon def très négrière. Mais cela ne concerne pas bi nga xamantene moy bu julit ni démé xéxi wala xéx ak yéfiri ba japp ci ñom sen ay prisonniers buñ la nexé ñu def lañ jama. Cela ne concerne pas non. D'ailleurs, lool mo gën ñu ray leen. Eh bien, oui. Voilà. Mais jam bo xamné do ko maltraiter, li ngay lek lay lek. Yent bi loolo, salaasal. Nay de lañ leen jox ñi lek ci li ngeen di lek. Ñuy naan ci li ngeen di naan, di solo ni ngeen di solo. Te bo leen leen de liggey lo, bu leen tek liggey bu dis. Su leen leen tege liggey bu dis, nay leen ci jappalé. Wa mais ci sa mais du am salaire du ki et cetera voilà voilà et que amna droit racheter où voilà et cetera bon ba para tamit ki ñi mom jambu jigen bobu amna lu jar préciser moy su fekente ne dafa am dom ci kiko mom koku umul walad la tuddu umul walad la tuddu manam moy yaayu xalé bi littéralement mais lool limi tek moy lan moy ne legui waji do ko meuna jaayati wa non du jabaram mais dot ko meuna jaayet dot ko meuna manam soit da koy libérer wala mu bayiko mu teye ko non nu nek jamm mais su waji dewe ken du ko don day libre su waji de mu libre voilà non xalé bi doomu du japp doomu waji la wa mais est ce que dañ koy considérer comme est ce que ñu mëna éviter mais bien sûr d'accord bien sûr parce que doom c'est un enfant légitime mo ci mëna tak ndaw hein wa waji mëna tak ndaw ci yentim salassal non la defal ak sayyidat safiya yalla wala Allah ta'ala ala wa legui ki mune man dama don dulli ma am luma faté ci rafi dulli wa legui ci sama be dulli ma amone yene def bama agge ci rafi bu mujju bi wa xamatuma ci ñettel bi la tollu wala ci ñettel wa legui ma daldi yok ben rakka wa ci rakka bobu ma dal def khabda salat manam après ñu ko bindé la ko waxé voilà wa moy boy dama moy comme bu démé bay jéxal dafa def khabda salat wa parce que bo bu baada en fait su fekkenté na nga def qabla ak baada qabla salam ngay def voilà ni mu def non la su waré def qabla ak baada qabla salam lay def wala wallah taala ni jaar ci benen bi ñu sel mu ne ci mu ñu laaj question mu ne ko déssé lèr quoi mu ne ci ban fannu gaay mu na défar sama julli une deuxième fois dans quel cas de refaire une prière une deuxième fois moy su julli bu baaxu sa moy cadre figure bo su julli bu baaxu mais attention la wara defat wala la am droit defat la am droit defat lolou mom moy nafilu bi moy su amé mbolo benen mbolo wala benen ki meun nga len japp benen way bu amul mbolo nga japp lako lolou am nga droit wala Allah ta'ala legui ñu ci ñentel bi ci ben soxna la bi nga xamantene dafa ëmb ñu né soxna bo bu nga xamantene dafa jëkërëm dafa faatu ndax iddam dafay duré toujours ñenti wër ak fukki fan dedet mom ci ëmb gi rek lañ ko ay voilà iddam ci wax ma ngi juroomel bi ci mo ngi laaj ba xam mu nañ joxe zakat ki nga xamantene day tox don nga xam nañ né xaaliss bi da koy ci jëddu ci rek waaw non mais lool la c'est à dire qu'il faut pas que ñuy luñu tout le temps ay ki diiw li lay def ki diiw lay def ki diiw li lay def nit mom bakar nit ku ne amna sik bopam nit ku ne amna sik bopam li ñuy xol rek moy ndax amna droit bi wala amul droit bi su amé droit bi ñu dox su amul droit bi ñu bay ko wallahu a'lam legi juroom benelu bari ki mo ngi la ndax amna ben sunna ci li nga xamantene moy woru ci wéru radio man xawmuko xamuma ben d'ailleurs mom la imam al-hafiz rahmatullah alayhi ibn hajar rasulani amna ben téré bu mu ci bind bo xamantene daf ci wax lolou di saxal ne manam mbolam hadith yi nga xamantene mom lañu wax ci ngeeneel yi nek ci wéru radio ben wéru ci amul ben hadith bu ñu la yel bi neena rek salalahu ne rajab nangam ngeneeli li la wirul am même hatta isra wal mi'raj wirul ne rajab la wona rañan bi ngeen di deg dede wirul ne wer wi la won de wer rajab la won da gëna siwu ne wer wi la mais wuru borom xam xam ni dañ cey wuté yu met da man xawma ci lu spécial lo xamantene en tout cas à part que ni wer la bo xamantene ci wer yu ñu xormal yi la bok ci arba khurum yi la bok lool da la ci xam lu sax lu mo meuna wax ne li wer na ak yent bi sallalahu alayhi wasallam bimu don ñaan yalla barkelu ci son rajab bi te mu wala ak sha'ban bi te mu jotale ñu ramadan lool a par lolou man xawma ci lenn lo xamantene mo na wax ne li mom ci ngeenel wer rajab la xawmo ak a part tamit yeen rajab yi yone su wer yi ak sen xali ci lay sen futu xali ci lay am wala ar rajab yi yone yi moy ay benn groupe wala yu lañ 40 lañ yo xamantene wer rajab bu joté ci lañu sen futu xat fatxe yi ñu am yalla ci moment bobu lañ lay ñëw su wer raja bi jalle ñu mudde ñu arrêté suba ba gannaaw suba wala gannaaw suba wala dañu ñëw ci juroom ñaarelu laaj bi ci neena mom ma ngi doon jang alcorane ma ngi ci aya bi ma ngi dang alcorane ci tramway bi dañu ma ngi ci aya bi nga xamantene dama wara sujjo neena nan la wara mëna def wa da ngay continuer jang mi ndax comme li sayyidna omar radhiyallahu anhu limu defone nga xam tane ben aljuma dafa ñew taxaw ci kaw minbar bi dul di jang ba jangale aya bo xam tane dañ ci sujjot mu daldi wacc sujjot ñu sujjot aljuma bi ci teggu mu ñewat jangat ba jangat aya bu ñu wara sujjot gaay di préparer pour sujjot mune dedet mune ala rislukum innaha laysa bi'azima def len dal tok len affaire bi dulu war manam wala manam daf ko def ben aljuma benen bi defugo pour war len len mbir mi war wala keni meun nañ ko def comme meun nañ ko baña def ko mo geul mais moy sub circonstance nekké wallahu ta'ala ala dañu ma ñew ci dernière question bi wa ci mo ngi laacc bu fekkene té até nga xamantene dafa aajo ci li nga xamantene da ngay envoyer xaliss wa manam ko may wéssal ñu ñoo som bi ngay envoyer fi ak som bi ñu jox fa lay du tollu wa lool waxon nañ ko yaakaar na kërok ci jotta bi wéss tontu won nañ ci lu som bi ben lay doon ci wéssal ñu kon ba am wallahu ta'ala wa sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين